Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Allemand Girl, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Il fait entre 31 et 33 degrés dans les studios de Radio Béton. On va essayer de ne pas se liquéfier d'ici la fin de l'émission. On est en direct pour la dernière émission de la saison 2022-2023. Dimanche prochain, il y aura une dernière émission en différé avant la pause estivale. Pause estivale habituelle avec plein de... Hein ? Non ? Bon, bah pas d'émission la semaine prochaine. On attaque direct la spéciale estivale la semaine prochaine. Voilà, très bien, le régisseur général vient de me taper sur les doigts. Ne dis pas de conneries à l'antenne. Oui, d'accord, je vais essayer. Une émission pleine de super choses à s'écouter et pleine de très belles choses à se raconter, puisque du coup, on a Emile de Ripostasso qui est là pour nous parler, bien évidemment, du Ripfest qui aura lieu dans 2 semaines. Et puis voilà, une doublée d'émissions pour ouvrir un peu rafraîchissante, avec Tudor tout d'abord, le groupe de black norvégien, Frozen Soul ensuite, bon eux ils nous viennent du Texas, il fait chaud au Texas mais ils s'appellent Frozen Soul et Part de Glace, donc on peut dire que c'est rafraîchissant quand même. Tudor tout d'abord, ça nous vient de Oslo, le groupe fête ses 30 ans cette année, petite discographie cependant, 6ème effort studio, Elvkr. 8 ans après le précédent, Tudor c'est toujours ultra satanic black metal, hyper violent, hyper froid. Une sortie Season of Mist, donc label français. Frozen Soul ensuite, groupe de Bolthrower Core qui nous vient du Texas, hein, ça fait partie de cette scène néo-scène américaine de death metal avec de grosses intentions hardcore. En plus, on trouve une femme dans le line-up. Voilà, on est vraiment sur du riffing bolthrowerien avec des grosses intentions break. Glacial Domination, c'est le nom de leur second effort studio. Une sortie Century Media au passage. Pest Emeren pour Tudor, Morbid Effigy pour Frozen Soul. C'est l'entame de cette émission de ce soir. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Let's Go! We'll be right back. Voilà, c'était donc Frozen Soul. On enchaîne avec, comme de par hasard, une petite doublette hardcore avant de retrouver Emile pour nous parler du Ripfest de cette année. Incendiary Spy. Voilà, ouh, il y a des morceaux avec. Petite doublette qui nous vient donc des US. Incendiary, groupe de hardcore qui fête ses 16 années d'existence. Ils nous viennent de Long Island. Incendiary, hardcore plutôt violent, plutôt efficace. J'ai pas grand chose à dire. J'aime beaucoup ce que fait Incendiary. J'étais très déçu cependant de la foule, je les ai vus sur scène. Une sortie Close Casket Activities. L'album est plutôt convaincant cependant. Change the way you think about pain. Et en doublette Spy, là par contre on est vraiment sur du bon glaireux hardcore. En France on a Cavalry, aux US ils ont Spy. C'est le premier véritable album du groupe, Satisfaction. Il fait honteusement à peine 20 minutes. Doublette de doublette, hein, parce que les morceaux sont extrêmement courts. Une sortie de Triple B Records, Satisfaction, donc on s'écoutera le titre Not From Me, enchaîné à Wrong Place, Wrong Time. Et juste avant ça, Incendiary, le morceau Jesus Bones, c'est parti. Place. It's the square root in a circle race. Stubborn as I stand. Ah voilà, j'ai raté le démarrage de micro. 20h18 à la période de Radio Béton. J'ai encore des bretzels qui croustillent sous la dent. Et on retrouve tout de suite maintenant l'ami Émile qui vient nous parler de cette 7e édition du Repfest. Salut à toi Émile. Salut Damien. Alors, on t'entend bien en plus. On entend aussi mes petits croustillis de bretzels. Très agréable. Ce soir dans les studios de Radio Béton, pour nous parler donc de l'édition à venir les 7 et 8 juillet prochains du Repfest, toujours à la salle Oesia. L'occasion de se faire presque le petit brossage annuel de l'historique du Repfest au travers de Riposte Asso, bien évidemment. Ben vas-y, je t'en prie. Bien, pour faire un bref historique, donc Riposte Asso, une asso qui a maintenant 10 ans plus 2, parce que je ne sais pas si on doit compter le Covid. Donc d'activité pour soutenir principalement donc la scène locale, metal hardcore et nationale, maintenant plus forcément internationale du fait de la mise en place du Ripfest depuis bientôt 7 éditions. Et on a eu la chance de pouvoir souffler cette 10e bougie plus 2 à au quart de tour il y a quelques semaines avec une chouette programmation qui a eu le mérite, je dirais, d'allumer un petit peu la foule. Effectivement, j'ai eu le plaisir et le privilège d'assister à peu près pendant 2 minutes 45 à votre set de Ocar et je suis resté sur site à peu près 3 minutes avant que mon gamin me dise « Non, mais viens, on s'en va en fait, ce sera mieux loin ». Donc voilà, un peu la grosse déception de ce soir-là. Mais j'ai vu les photos et quelques vidéos live aussi bien sur vous que sur Slope, c'était un peu la grosse danse. Donc c'était super cool, bon bien évidemment les verbales ont... n'ont pas démérité sur la fin de soirée. Donc voilà, ça a été le premier effort pré-estival de Riposte avant d'attaquer le Ripfest plus précisément. Tout à fait. Donc du coup, 7e édition, 3e à la salle Oesia, oui, de Notre-Dame-d'Oué. Tu nous expliques un petit peu le cheminement pour arriver du coup à la construction de cette nouvelle affiche. Le cheminement, on va dire que c'est... au petit bonheur, la chance, hein, j'ai envie de dire. Très bien, YOLO. Non, en toute sincérité, en fait, on fait avec ce qu'il y a, quoi, tout simplement. Nous, on est une association tout simplement indépendante, sans aucune subvention. Donc, on fait avec les moyens du bord, avec ce qui tourne. Et puis, on a réussi. Enfin, l'idée, c'était de pouvoir essayer un petit peu de se détacher de ce qui se fait, entre guillemets, en France, parce que y a un paquet de festivals et de petits festivals aussi. Donc pouvoir trouver deux têtes d'affiche, je dirais, en exclusivité pour le coup, et de renom qui plus est, c'était une opportunité forcément génialissime pour nous. Et puis après, on décline, je dirais, de manière assez logique. On essaye à la fois de faire toujours plaisir à notre public un peu plus metalhead et puis à la fois à notre public un peu plus choreux. Donc sans pour autant faire de journée thématique à proprement parler. On va pas se mentir, le vendredi est un petit peu plus métallique et le samedi plus choreux. Ça avait plutôt bien marché les autres années. Puis on a envie de continuer un petit peu dans cette vague-là, quoi. Voilà, vous commencez à avoir bien vos quartiers en plus à la salle Oesia. On avait noté déjà une belle évolution, une belle prise en main du site entre 2019 et 2022. Oui. Avec une évolution des aménagements, de tout ce qu'on pouvait retrouver en termes de praticité sur site. Oui. Et donc là, vous avez signé pour une nouvelle édition à Oesia. Si tu veux nous parler de pourquoi ce choix ou... Eh bien, pourquoi ce choix ? Il y a une question d'historique, une question aussi de confiance, parce que tout simplement, on s'est rapproché de la municipalité, ou plutôt la municipalité s'est rapprochée de nous. Et il faut croire que l'empathie, c'est quelque chose qui peut exister aussi. Même au Alors, sein ça ne va pas du tout dans cette phrase. Tu ne peux pas parler de politique et d'empathie ensemble. Écoute, en tout cas, moi, c'est un petit peu l'impression que j'en ai eu quand on a eu la chance de pouvoir échanger pour la première fois avec le maire du coup de Notre-Dame-d'Oué. Je ne pense pas qu'on soit un festival qui apporte réellement en termes de monde à cette salle. Par contre, c'est vrai qu'en termes, je dirais, de rajeunissement de la population locale et puis tout simplement de diversité culturelle. Je pense qu'est-ce que tu racontes comme gros mots encore ? Oh là là ! Désolé. Diversité culturelle, politique, empathie, ça devient presque vulgaire comme émission. Ouais, si tu veux. Mais tout ça pour dire qu'on a donc fait le choix de rester là-bas parce que pour des questions de gros sous, hein, voilà, tout simplement. Ah, ça devient cohérent. On a eu un accompagnement qui a permis de projeter sur un budget quasiment équivalent ce nouveau Ripfest là-bas. On sait que c'est difficile aussi quand même pour un festival de changer de lieu. Les gens aiment aussi avoir leurs habitudes. Et puis, on avait en toute transparence d'autres projets également, mais ces autres projets avaient un coût. Et à l'heure actuelle, on a joué la sérénité pour pouvoir aussi permettre à tout à chacun d'être le plus reposé possible, parce que les familles s'agrandissent. Effectivement. Voilà, troisième année à Oesia, Notre-Dame-d'Oé. L'année, on vous le souhaite de la stabilité et pleinement de la réussite. On va d'ici peu s'attaquer à la partie programmation. Juste avant ça, on est bon sur le timing ? On est bon sur le timing. Juste avant ça, on va s'écouter deux groupes prévus à cette affiche. Donc voilà, on va s'en écouter deux. Et après, on va se présenter l'ensemble de l'affiche. Donc en ouverture de programmation musicale pour parler du RIP, j'ai choisi un titre de Sickners et ensuite un titre de Grove Street. Tu peux nous parler rapidement de ces deux choix de programmation ? Ouais, Sick Nerves, c'est un groupe pour moi émergent national. C'est des groupes comme j'aime bien en fait programmer. C'est des gens qu'on rencontre sur la route avec mon groupe et on adore se prendre des balles en live. Et tant qu'à faire ce genre de balles, on préfère les partager en live à Tours, à la maison, dans de belles conditions. Et je trouve que comme un certain nombre de groupes nordistes, c'est vraiment des chouettes gars dans le bon sens du terme. Parce que sur scène, c'est pas du tout des chouettes gars. C'est vraiment gras, sale. Ça donne vraiment envie de piter méchamment. Donc voilà, moi je dirais que c'est un groupe métallique hardcore. Je sais pas s'il se définirait comme ça. En tout cas, c'est un groupe qui a beaucoup évolué d'un point de vue style. Parce qu'au début, il me semble qu'il n'effectuait pas ce genre de zik. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager une date avec eux du côté de Rouen. Et Grove Street, c'est un groupe. Alors, il fait partie des rares groupes que j'ai jamais vus et que je programme. Mais j'ai eu tellement de bons échos lors de leur dernier passage au Super Bowl du Hardcore qu'il me paraissait opportun, tout simplement, de pouvoir les associer à l'affiche avec Chromax le samedi et Sick Nerves aussi également. Et c'est un groupe qui a le vent en poupe, qui va sortir finalement seulement son premier album, alors que je pense que ça va faire bien 6-8 ans qu'ils sont sur les routes. Ils viennent de Southampton. On n'a jamais fait jouer de groupe d'ailleurs de Southampton au Ripfest. Et à tout simplement de les rencontrer et puis de voir si finalement aussi la sauce qu'ils ont été capables de mettre au Super Bowl peut prendre aussi au Ripfest. Voilà, tout simplement. Sick Nerves, donc on a choisi un titre assez récent qui date du split qu'ils ont sorti en 2022 intitulé Cold Case. On s'écoutera le morceau Liar's Pale. Et Grove Street, effectivement, sortira son premier album au mois de septembre. On manquera pas de le diffuser si la qualité est au rendez-vous. Et là, par contre, j'ai choisi un vieux morceau, toute proportion gardée, de 2018, le titre Shift, une espèce de faux mid-tempo qui risque de ramener sec s'ils la font en live. We'll be right back. Deuxième partie de la présentation de l'édition Redip Fest de cet été. Parce que du coup, on a Émile. Présente-toi d'ailleurs, tu n'as pas dit qui tu étais ? J'ai dit oui, je suis de Riposte. Je m'appelle Émile. Je suis très content d'être là. Je suis programmateur, vice-président de l'association Riposte depuis un petit paquet de temps, en fait, je crois depuis toujours. Je suis également chanteur à mes heures dans un groupe qui s'appelle Beyond the Sticks. Voilà. Et puis, je m'efforce d'essayer de stimuler ce qui s'appelle une scène locale. Voilà. Comme ça, on a une petite idée du CV. Sick Nerve Grove Street, qu'on vient de s'écouter, présent donc à l'affiche du RIP dans deux semaines. On se fait une présentation comment ? Jour par jour, du haut en bas, de bas en haut ? On peut faire une présentation jour par jour. On va faire du de haut en bas. Soyons fous. Allez, puissance interrogation 4. Pas écrite. Du coup. Donc vendredi 7 juillet, on va partir avec la tête d'affiche en exclusivité française, Memoriam. Du coup, Memoriam composé à l'heure actuelle plus que de 25% de Bolt Thrower, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça sent. Voilà, on est sur Death Metal Old School, truc... bien, comment dire, charnu, charpenté pour te permettre d'être bangé. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je les ai découverts il y a un petit moment maintenant déjà. C'était au Hyperfest à l'époque de la sortie de leur premier album, sans même savoir que c'était des membres de Bolt Thrower. Et j'avais vraiment accroché à, non pas à leur show, mais à leur son. Et puis après, je me suis laissé complètement emporter par ça. On va faire plus rapidement pour la suite. Born From Pain, un réel plaisir de pouvoir les réaccueillir dans des conditions, je dirais, moins... Plus ventilées. Voilà, moins torrides que lors de cette troisième édition du Ripfest à l'époque à Agence Cana. Donc, vrai plaisir de pouvoir les recevoir de nouveau, les incontournables hollandais du metal hardcore. Par la suite, donc, on fait jouer Overpower. Là, c'est une petite fierté. Donc, premier festival pour ce groupe anglais qui... performe dans un type, je dirais, trash crossover, même s'il y a plus de trash que de crossover. Et puis, la particularité, c'est de voir un chanteur chanter en home du Moyen-Âge. Ça je demande à voir. C'est dommage, ça aurait été très intéressant de voir ça, justement, à Gentiana. Ouais. Bon chance, hein. Écoute. Très bien. Donc, par la suite, on aura nos locaux de Final Showdown. Brutal Descore, je pense que c'est plus trop la peine de les présenter. On les a fait jouer maintes et maintes fois. C'est un groupe qui s'épaissit dans tous les sens du terme, à qu'ils puissent enfin peut-être sortir un premier album. Ça serait une réelle fierté de les accompagner en tout cas à travers cette étape-là. Et donc ensuite Sideburn, qui n'est pas non plus un inconnu du Ripfest, puisqu'ils avaient joué lors de la deuxième édition, je crois, du Ripfest. Et j'ai personnellement beaucoup apprécié leur nouvel album, qui est Ordalie, si je ne dis pas de bêtises, chanté en français. Donc ça change un petit peu si on s'étend de l'oreille. Mais en réalité, je trouve bien plus efficace que tout ce qu'ils ont pu faire par le passé. Et c'est vraiment une belle redécouverte, d'autant plus qu'on a eu la chance de partager leur release party. Et vraiment, là, je vous invite à venir le voir. Il y a eu un changement de line-up aussi. C'est une très, très belle confirmation, je trouve, ce groupe. Et donc, en ouverture, White Shot, c'est donc un groupe partagé entre Bordeaux et Toulouse qui performe dans un type de metal hardcore bien chiadé, qui fait le job. Changement de line-up également, changement de chanteur. C'est donc leur bassiste Kevin qui a repris du coup le chant. Et hâte de pouvoir les voir à travers cette nouvelle mouture. Donc là, la présentation de haut en bas du vendredi soir. On passe au samedi maintenant. Samedi, eh bien, donc toujours par le haut. Hein. Donc les incontournables Cro-Mags. Donc là, légende du punk hardcore crossover, je dirais donc New York. Hein. Donc là aussi, un line-up qui, pour ceux qui connaissent l'histoire de Cro-Mags, qui a forcément évolué. Moi, en tout cas, c'est la mouture que je préfère, même s'il y a des fans de JM. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment accroché à sa voix. Et puis même au reste, je dirais, globalement. Donc, c'est un réel plaisir de pouvoir les accueillir en exclusivité française pour la première fois, tout comme Memoriam à Tours. Faut le dire, quand même. Donc, avant eux, on a écouté tout à l'heure Grove Street. Donc, Grove Street, Southampton, hardcore. Un peu, y a un peu de crossover dedans, bah comme les Anglais savent bien faire, hein, de toute façon. Hâte de pouvoir découvrir ça en live. Juste avant eux, on aura le metal hardcore de Brother Still We Die. Je sais jamais trop exactement comment les présenter, parce que d'un album à l'autre, les choses évoluent. Le dernier est bien plus indus au niveau du son, bien plus metal que hardcore. Donc, hâte de voir en tout cas un petit peu comment tout ça se combine sur scène. Et puis également, changement de line-up. Donc nous, on avait joué avec Beyond à l'époque, avec eux à l'époque du Hatefest, la première et dernière édition d'ailleurs de ce festival. Et hâte de les revoir avec donc, cette nouvelle formation. Juste avant eux, on aura les Canadiens de Prol. Au Prol, là, on est plus sur une sorte de metallique hardcore avec vraiment des accents black. Qui joue vite vite, hein. Je pense que, enfin, on peut vraiment parler crossover trash, parce que c'est, j'ai hâte de voir si là pour le coup le rendu live est aussi bon que le rendu je dirais studio, parce que ça joue vraiment terriblement. Et là hâte de découvrir un peu une sorte de vocaliste qui peut chanter comme le chanteur d'Integrity avec je dirais cette espèce de trash crossover black vraiment chiadé derrière. Donc, et puis bon, changement de line-up, parce que pour le coup, le bassiste est également l'ancien bassiste de Elephants, pour ceux qui connaissent Grégoire. Le petit pont avec la France. Voilà, quelques petits ponts avec la France. Et donc, juste avant, on aura donc Real Deal, là aussi, donc un groupe local hein, qu'on ne présente plus vraiment. C'est la troisième fois qu'ils jouent au Ripfest, mais la première fois sous cette formation-là, puisque un complet changement de line-up. Ils avaient joué, je crois, une fois à 5, une fois à 4, et là, ils reviennent à 5, avec notamment Mathieu, qui est passé à la guitare, et qui était bassiste, leur ancien guitariste, qui est passé au chant, enfin bon, un sacré gloubi-boulga, tout ça, mais hâte de pouvoir découvrir leur nouveau son, qui ne sortent pas encore pour des raisons de label, mais voilà, hâte de pouvoir voir tout ça dans des grosses conditions, ça changera du Canadian. Et donc juste avant, on aura donc Parjure. Donc Parjure, groupe de beatdown français. Ils chantent en français également. Ils ont sorti un nouvel album l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Hâte de pouvoir les voir dans des très grosses conditions. J'avais eu le plaisir de partager une scène avec eux au Hatefest. Mais c'est vrai que c'est malheureusement le genre de groupe qui joue très peu en fait sur la côte ouest, venant du côté de la région Rhône-Alpes. Donc voilà, hâte de voir si en tout cas les bas du front et le KDS répondront à l'appel. Juste avant eux, on aura donc Signorth, qu'on a donc écouté. Donc hâte d'aussi également, comme je disais tout à l'heure, de repartager, enfin en tout cas, partager une scène avec eux en étant dans le public. Et dans de très belles conditions, sachant qu'un nouvel EP, si je dis pas de bêtises, désolé Franco si tu m'écoutes et que je me plante, mais en tout cas il y a quelque chose de prévu et des nouveaux sons pour incessamment sous peu. Donc hâte de découvrir ces nouveautés là en live. Juste avant eux, on aura donc les copains de No Matter What. No Matter What, anciennement Glock. Glock 203. 203, voilà, j'avais un petit problème avec la numérologie. No Matter What, Heavy Hardcore, avec Gurvan. Gurvan, selon votre manière de prononcer le breton, leur lead, qui frontman, qui officie également de OIM, qu'on a vu l'an dernier, du coup, au Ripfest. J'ai lu un commentaire assez drôle, c'est « Ah, ben je reconnais ses chaussures ». Oh, bon, on reconnaît les chanteurs à leurs chaussures. Bon, si on a, heureusement que si tu as tendance à les prendre dans la gueule, faut croire, écoute. En tout cas, on a pu tourner avec eux et gros son, là, sorti de leur nouvel et premier album. Et hâte de voir ça dans des grosses conditions également. Oui, et puis au niveau de la communication et du visuel, on est sur du gros nibar période Satanic Tuning Club. Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Enfin, ça brille. Voilà. Et donc en ouverture de ce samedi, on aura les Limougeaux de No Glory, pour certains, leur chanteur Florian officiait avant dans un groupe qui s'appelait Humanity, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on est vraiment dans du metal hardcore, bête, méchant, terriblement efficace. Et puis bah, ça fait réellement plaisir de pouvoir accueillir un groupe de Limoges et également bah, des artistes qui n'oublient pas de se bouger pour leur scène et puis pour les festivals indépendants, parce que je pense que Florian, il a dû rater peut-être 2 éditions sur 7 du Ripfest. Ça fait plaisir de pouvoir aussi mettre en avant des artistes qu'on peut oublier, qu'on brille aussi dans l'ombre. Très bien, les présentations intégrales sont faites pour cette programmation du 7e Ripfest à venir, hein, on le rappelle, les 7 et 8 juillet prochains à la salle Oesiane de Notre-Dame d'Oé. Avant de passer à la dernière partie de cette présentation de l'affiche avec toutes les infos pratico-pratiques, on va s'écouter la doublette venue d'outre-Atlantique avec... non, un seul ? Bon, qu'un seul. Avec donc... Les Canadiens de Prowl, avec un extrait qui date de l'année dernière, voilà, la dernière sortie studio, The Forgotten Realms, et on s'écoutera le morceau Ruined Fortification. C'est parti pour illustrer le Ripfest. 16h47 à la pendule de Radio Béton. On est toujours en direct dans l'émission de ce soir et en direct plus puisqu'on reçoit Émile de Riposte Asso qui est ce soir avec nous pour nous parler plus en détail du Ripfest. Ça fait quelques semaines qu'on vous en parle, mais là c'est l'occasion de creuser encore un peu plus sur toutes les infos pratico-pratiques. On vient de s'éplucher l'affiche sur les deux jours, on vient de s'écouter un petit titre de Prol. Et ouais, pour le coup, il y a moyen que ce soit bien la danse, la formation venue du Grand Nord américain. On passe maintenant à toutes les infos pratiques sur le fonctionnement. On connaît le lieu, on connaît les dates, on connaît l'affiche. Quid de la billetterie, des horaires, des accommodations, de la bouffe, de la boisson, tout ci, tout ça? Eh bien, on va commencer peut-être par le début, c'est l'horaire. Donc, bien, ouverture des portes 17h30 vendredi 7, ouverture des portes 14h30 le samedi 8. Voilà. Concernant le prix, bien, les prix préférentiels, les tarifs préférentiels sont passés. La date c'est butoir, c'était vendredi dernier avec donc le warm-up du Ripfest. Donc maintenant, on est sur des tarifs Reza, légèrement plus intéressants, hein, 2 euros près. Donc 40 euros le pass 2 jours, 55 euros le pass 2 jours avec le t-shirt édition spéciale. On est sur 25 euros le vendredi et sur 30 euros le samedi. Si tu dis une connerie, je pense qu'il y en a une qui va te coller un taquet. Ouais, c'est pour ça que je regarde avant d'énoncer. Mois. C'est ça, je veux le bras tendu au-dessus de ta tête, fais déconne pas. Hein. Donc voilà au niveau des tarifs. Donc tout ça, c'est disponible sur Hello Asso ou sur n'importe lequel de nos réseaux. Hein. Ils vous renverront sur la page Hello Asso pour pouvoir effectuer vos achats en ligne. Sinon, pour les férus de papier à l'ancienne, il y a aussi possibilité de passer chercher son carte bancaire en espèces à Street Art Family ou au Buck Mulligans sur Tours, son passe de jour. Il y en a encore un peu sur place. Donc voilà. Après, Attends, je te coupe au niveau des tarifs. Est-ce que tu peux donner le sur place, je sais si tu l'appelles. Le tarif sur place, ouais. Bien, en fait, c'est les mêmes tarifs que j'ai donné, plus 2 euros. Ouais. Voilà. Alors, sauf erreur de ma part, tu m'arrêtes si je me trompe, vous avez baissé par rapport à l'an passé? Non, on a exactement les mêmes tarifs. Okay. On est seuls enfoirés sur Terre, en fait, à être passé à travers l'Ukraine, en fait, sans se taper une inflation de bâtard. Ouais. J'ai eu un énorme doute, du coup, quand j'ai vu les tarifs annoncés, je me suis dit, putain, ils ont baissé. Alors, d'une poignée d'euros, de 2 ou 3 euros. Et j'ai pas du tout fait mes recherches pour savoir si tel était le cas. Mais du coup, à défaut d'avoir baissé, vous êtes resté sur la même tranche tarifaire. Ouais. Okay. Bah, apparemment, c'est à noter. Vu ce qu'a l'air de dire le public du Hellfest, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc nous, en tout cas, on se les donne les moyens pour pouvoir permettre aux gens de se bouger et de soutenir aussi autre chose que les très gros festivals. Je t'ai coupé. Tu viens de donner les tarifs, on passe à la suite. Eh bien la suite, donc concernant peut-être donc possibilité de manger sur place, hein, bien sûr, large choix, je dirais, pour tous les mangeurs de viande, de poisson, de légumes, et j'en passe. Voilà, notre équipe s'est forcée de renouveler intégralement sa carte avec bien, des petites surprises qui pourront satisfaire les palais les plus gourmands et les moins également. Donc voilà. Deux choses très importantes. Est-ce que on retrouve une espèce d'équivalence de brochette melon pastèque ou pas? Une espèce d'équivalence. Bon, on ne peut pas spoiler la carte. Je vais peut-être venir alors. Et est-ce que vous avez prévu du sucré? Parce que ça gueulait l'année dernière. Il n'y avait pas du sucré. Voilà, y a des gourmands au Ripfest. Ils en mangent pas assez dans le pit. Bah quand tu te fais chier devant les concerts, tu vas bouffer, hein. Ouais. Il y a un petit peu de sucré de prévu. Mais c'est vrai que d'ordinaire, notre public n'est pas très sucré. Je ne vais pas savoir pourquoi, mais apparemment, il y en a dans les locaux de Radio Béton. Très bien. Très bien. Pour voilà, la bouffe, la boisson. La boisson, bah, je dirais une large gamme de choix, hein, je crois. 18 choix distincts. Du sans-alcool, de l'alcool. Du sans-alcool également au goût de bière. On a aussi une palette de choix de bière locale. Voilà, on a fait brasser notre bière cette année. Voilà, un petit plaisir qu'on avait envie de partager avec nos festivaliers. Et puis, sinon, large choix, quoi, je dirais, tout simplement. Et puis, bah, des bien. Tarifs, ma foi, somme toute, relativement abordables également. Très bien. Niveau accommodation, praticité, donc la salle bénéficie d'un très grand parking. Très grand, je sais pas si c'est le mot, parce que s'il y a beaucoup de monde, en fait, il est vite petit, en fait. Ouais, alors pour avoir fait des salles à envergure équivalente, je peux dire que le parking est bien généreux. Il y a un beau parking. Quand même. Venez en vélo, facile, quand même. Facile d'accès, en plus. Transport en commun ? Ouais, transport en commun possible, jusqu'à 20h, depuis la gare de Tours. Et après, possibilité de rentrer en navette sous forme d'inscription auprès des entrées. Quand vous payez vos entrées, vous réservez tout de suite la navette. On a une vingtaine de places seulement. Mais pour la modique somme d'un euro, on vous ramène en haut de la tranchée. Voilà. Très bien. Camping ? Non, toujours pas malheureusement. Mais bon, t'es bien placé pour savoir ce que ça représente d'un point de vue coût financier, d'un point de vue logistique et d'un point de vue aussi bénévole. Faut aimer les barrières et les plans en béton, quoi. Oui, et les insomniaques et voilà. Très bien, mais bon, après, voilà, sur les infos du RIP, vous trouvez toutes les meilleures adresses locales et puis mettez-vous en lien les uns avec les autres pour vous faire héberger les uns chez les autres. Tout à fait. Autour. On a un groupe pour ça, comme dit ma femme. Très bien. Il y a possibilité de mettre vos covoiturages dessus. Si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe, on s'efforcera de relayer vos demandes. Voilà. Comme on le fait chaque année, puisque là, on a des statistiques quand même au jour le jour des préventes, et on a 50% du public hors département, on va pas dire hors région centre. Pour justement réaborder ce point, histoire de situer sans trop en dire cependant, là tu parlais du coup de la clôture du tarif préférentiel. Oui. Là on est sur un tarif pré-vente. Oui. Vous ne mettez jamais tout en vente pour qu'il y ait de la marge sur place. Oui. La jauge de la salle est grande. Oui. Même s'il y a une explosion des pré-ventes, rassurez-vous, l'organisation fait en sorte de prévoir une jauge à l'entrée. Ouais, tout à fait. Bon, on fonctionne à l'ancienne, hein, de toute façon, sur plein de mal de choses. Donc, ouais, on continue également là-dessus. Et cette année, on aura quelques exposants, graphistes. On aura aussi vin rouge, pas sans alcool là pour le coup. C'est pas grave, c'est vraiment le rosé, le vin blanc sans alcool, c'est complètement ok. Autant le vin rouge, c'est vraiment pas bon, autant boire du très bon jus de raisin. Un exploitant qui vient du coup du Bordelais. On a aussi également du CBD. On aura aussi des exposants militants. Alors là, à savoir, donc on aura une maraude pour échanger concernant les addictions diverses et variées. On aura également une association Tourangelle qui milite donc en prévention du harcèlement de rue, qui sera de nouveau présente. Et la petite nouveauté cette année, et je tire mon chapeau donc à la responsable de ce secteur-là, c'est que donc on a une association qui, par l'intermédiaire de deux salons de coiffure, Tourangeau, permettra à toutes les personnes qui souhaitent se faire faire don de leurs cheveux. Pour pouvoir, limiter en fait la propagation des hydrocarbures dans l'eau, je dirais, d'une manière générale, qu'il s'agisse des océans, des mers ou des fleuves. Eh bien, voilà, il faut savoir que les cheveux sont une matière comme une autre qui permettent de limiter tout simplement la propagation de ces saletés. Et donc, ils en font des boudins sur Marseille. Que leur envoient en fait les coiffeurs qui participeront du coup à cette édition. Et en tant que militant, tu seras le premier du coup à aller faire don de tes cheveux. Oui. Hein, les hydrocarbures vont encore quelques belles années devant eux. Ah désolé, Total m'a fait perdre tout poil sur le crâne, c'est comme ça. Ouais, bon, on va pas miser sur toi, mais voilà, allez, c'est quoi, c'est cheveux, barbe ou... Non, je crois que je suis pas sûr que la barbe passe, mais je dis ça, mais les deux sont barbiers, donc okay. ça demanderait quand même vérification. T'as un nom à donner pour Pour les coiffeurs, ouais, alors c'est le nom de l'association, c'est Coiffeurs Justes, et les coiffeurs qui donc ont accepté de venir sur le festival pour effectuer cette démarche totalement bénévole de leur part, c'est le Capillarium et Authentic Men, voilà, donc qui se déplaceront pour l'occasion. Et pour ceux qui n'auront pas la possibilité de se laver les cheveux en amont, normalement, un shampoing sera effectué sur place. Ma femme va me taper dessus si j'ai dit une bêtise, mais a priori, je n'ai pas pris de coup, donc c'est que ça doit être bon. Vous savez qu'elle se retient, elle attend pour en mettre un deuxième. Mais elle dit quand même que c'est mieux de se laver les cheveux avant. Voilà, venez, mais venez pas trop gras. On va s'écouter un avant-dernier morceau avant de se donner le mot de la fin sur le RIP de cet été. Et on va du coup passer à l'étape des headliners avec les vétérans ricains de chez Chromax, avec un extrait de ce qui est pour moi un de leurs tout meilleurs albums, pour le coup époque Gigi, Best Wishes, et on s'écoutera le titre Crush the Demoniac. Un petit mot sur le sujet ? Un petit mot, moi, Chromax, c'est un groupe que j'ai personnellement, véritablement découvert en live. Et alors, pas époque Gigi, hein, voilà. Mais sacré claque, je trouve que ça tient vraiment la route. Quand on est fan de rock'n'roll, je dirais, et pas forcément de hardcore, ni de punk, on n'y connaît rien. Si vraiment t'aimes le rock, je pense que c'est véritablement un groupe fait pour toi, une énergie de dingue. Ça joue du feu. Et puis, quelle énergie, franchement, Harley. J'espère que nos backliners sont prêts, parce que sa basse risque de tomber plus d'une fois, je crains. Sous l'effet de l'énergie, voyons. Puis j'espère que vous avez prévu des haltères backstage, parce que le père Flanagan, il est bien gonfletté. Oui. Crush the Demoniac, c'est parti.